Y'a trop d'œil sur le coupé sport, donc je sors le Viano. Et ne te pose pas trop de questions, follow juste le Rafio. Et je me demande si tu peux suivre notre train de vie à nous. Et dans un monde où la guitare chante plus fort que le piano. Bébé piano, on va y aller piano. Bébé piano, on va y aller piano. Bébé piano, on va y aller piano. Bébé piano, on va y aller piano. J'arrive en retard, je sors de la caisse. Y'a full up de fans qui me pointent de l'index. Il a pas de quoi tenir tout le mois, c'est sûrement pour ça qu'il tape dans la caisse. Évidemment, c'est sans équivoque. Si tu vois mon ex, ne donne pas l'adresse. Je repère au loin un mec de mon tiex. Donc je me lève en stretch, je check de la tête. Ça va sortir, maximum beat, du linan gris, des sons à la pointe de la tech. Ça va sans dire, ça va gravir. Soit tu fais de l'oseille, soit tu taffes les pecs. Signe pour payer la note, ou signe ton arrêt de mort. J'en monte la vie du monstre. Y'a trop d'œil sur la montre. Y'a trop d'œil sur le coupé sport, donc je sors le Viano. Et ne te pose pas trop de questions, follow juste le Rafio. Et je me demande si tu peux suivre notre train de vie à nous. Et dans un monde où la guitare chante plus fort que le piano. Bébé piano, on va y aller piano. Bébé piano, on va y aller piano. Bébé piano, on va y aller piano. Bébé piano, on va y aller piano. Sors de l'hôtel de Paris, je croise une meuf que j'ai bloquée sur Insta. Tu veux coller comme du shit bien gramme et t'es fumant comme un Rasta. Tu veux nos vies à nous, la télé dans le Viano. Tu peux pas suivre la note, c'est pas celle du piano. On arrive en équipe, t'es malade ken, toi t'as pas la gueule, toi t'as pas l'état, tu vois pas la ken. J'arrive à la caisse, il veut que la toffe, donc je fais la toffe. J'paye pas, je remonte dans la caisse. Signe pour payer la note, ou signe ton arrêt de mort. J'en monte la vie du monstre, y'a trop d'œil sur la montre. Y'a trop d'œil sur le coupé sport, donc je sors le Viano. Et ne te pose pas trop de questions, follow juste le Rafio. Et je me demande si tu peux suivre notre train de vie à nous. Et dans un monde où la guitare chante plus fort que le piano. Bébé piano, on va y aller piano.